gratte au réveil, pas de doute, c'est le Covid. Un léger mal de ventre persistant, une tumeur aux intestins, vous oubliez la fin d'un livre, un signe précurseur d'Alzheimer. Si vous vous reconnaissez, c'est qu'il y a de fortes chances que vous souffriez d'hypochondrie. Mais qu'est-ce que l'hypochondrie? Le fait de s'imaginer des maladies est-il lui-même une maladie? Comment soulager ces excès d'anxiété concernant notre santé? L'hypochondrie est-elle passagère ou permanente, chronique ou aiguë, bénigne ou grave? Sans parler de ce petit ganglion-là qui ne s'en va pas. Hypochondrie, ça vous chatouille ou ça vous gratouille? C'est le programme imaginaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour commencer, permettez-moi bien sûr de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022. Faut-il encore espérer qu'elle soit moins chaotique que les deux précédentes? Je ne saurais le dire, mais je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Chaque jour, à nouveau, du lundi au vendredi, je vous souhaite beaucoup de découvertes, de curiosités, d'émerveillements scientifiques et littéraires, et surtout beaucoup d'amour et d'affection de la part de toute l'équipe de la méthode scientifique qui se joint à moi pour vous envoyer nos vœux les plus chaleureux. Ceci étant dit, on va parler donc de nos petits bobos imaginaires qui peuvent ne pas être si petits que ça et qui peuvent devenir totalement handicapants quand ça vire à l'obsession. Pour parler donc de l'hypochondrie, nous avons le plaisir de recevoir pour cette première émission de l'année Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil et professeur de médecine à l'université Paris-Est Créteil. Et nous sommes en ligne avec Michael Saraga, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, médecin adjoint dans le service de psychiatrie générale du centre hospitalier universitaire vaudois. Mais on commence, eh bien, comme chaque jour, par celle qui vous complique tous les jours un peu la tâche en vous parlant de maladies émergentes. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha et bonne année. Bonjour Nicolas. Et on commence par une étude parue dans la revue Nature, étude qui annonce la découverte d'anticorps monoclonaux capables de neutraliser le variant Omicron. Et toutes les études convergent vers le même résultat. Omicron est beaucoup plus résistant à la neutralisation par les anticorps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mutations dans la spicule, dans la protéine S, qui sont localisées dans des régions clés et qui permettent d'échapper à la liaison de la plupart des anticorps monoclonaux. Donc face à ce variant, qui est désormais majoritaire en France, on se rend compte que l'on a perdu une partie de l'arsenal thérapeutique que sont les anticorps monoclonaux utilisés en clinique pour les personnes âgées ou immunodéprimées, comme le Ronaprev ou l'Eli-Lilly, qui perdent toute efficacité. Alors dans des expériences in vitro, différentes équipes américaines ont testé la sensibilité de ce variant. Et ils ont détecté 4 types d'anticorps qui ont des capacités de neutralisation à large spectre, qui sont efficaces contre Omicron, mais aussi contre d'autres coronavirus. Olivier Schwartz est directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Ils avaient à leur disposition une panoplie d'anticorps, c'est déjà caractérisé, et donc ils ont pu les tester directement contre la spicule de Omicron. Ils n'ont pas utilisé de virus Omicron infectieux, ils ont utilisé ce qu'on appelle des pseudotypes. Donc ce sont des virus en un cycle, en fait c'est un virus complètement différent. Ici c'est un virus qui s'appelle VSV, de la vésiculite stomatite, qui est un virus qui est l'origine, infecte essentiellement les chevaux. Donc là ils ont enlevé l'enveloppe de ce virus et l'ont remplacé artificiellement par la spicule d'Omicron. Et donc ce sont des virus en un cycle, en un coup, qui ne sont pas infectieux mais qui rentrent dans les cellules pour délivrer un signal qu'on peut suivre. Et donc, avec cet outil, ils ont pu, qui était déjà disponible, ils ont eu juste besoin de remplacer la spicule précédente par celle de Omicron, et donc comparer Omicron, Delta, les variants dits ancestraux, donc le premier variant qui circulait. Et donc, avec cet outil, ils ont pu montrer que certains des anticorps, ils en ont testé plusieurs dizaines, avait la capacité donc de bloquer l'entrée du virus. Ça c'est la bonne nouvelle d'une certaine façon, c'est que certains anticorps qui peuvent être considérés à plus large spectre, et donc les auteurs de cette étude parlent même d'anticorps à large spectre, broadly neutralizing antibodies, et bien là c'est le cas, il y a certains anticorps, très peu en fait, qui se fixent sur des régions de la spicule qui sont plus conservées et moins mutées. Donc ces anticorps sont moins sensibles aux variations de séquences. Et ce qui est montré dans cette étude et dans les autres, c'est que certains de ces anticorps sont capables toujours de neutraliser Omicron. Et donc là, c'est une bonne nouvelle, puisque certains de ces anticorps sont en utilisation ou vont l'être, sont en développement clinique. Et donc là, les différentes équipes travaillent sur la production et de nouveaux anticorps, bien sûr. Mais s'il y en a qui sont déjà à large spectre disponibles, c'est une bonne nouvelle. Voilà, et on ne change pas les bonnes habitudes. On vous a posté le lien vers cette étude de Nature sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Le mois de janvier commence par la 3e édition française du Dry January, le janvier sec. Chiche, passer un mois sans une goutte d'alcool, c'est le défi de janvier sec qui s'adresse à tous, pas forcément aux grands buveurs, pour nous encourager à reconsidérer notre rapport à l'alcool. En France, selon l'INSERM, 23% de la population aurait une consommation à risque ponctuel. L'alcool, c'est 41 000 morts en France chaque année. La mortalité liée à l'alcool est plus élevée ici que partout ailleurs en Europe. Et des études ont déjà montré les effets bénéfiques d'un sevrage d'un mois. Perte de poids, qualité de sommeil et de concentration, et une diminution de la consommation qui perdure par la suite. Cette opération de santé publique se fait sans financement public. En 2019, sous le poids des lobbies, l'État s'est retiré de cette campagne. Les associations sont seules à porter cette initiative. Allez, plus que 27 jours. Un nouveau record de chaleur a été enregistré la semaine dernière. Oui, selon Météo France, les températures du 24 au 31 décembre n'ont jamais été aussi élevées depuis 1947. En France, mais aussi partout en Europe, il faisait 5 degrés de plus que les normales saisonnières, avec un record de chaleur de 11,4 degrés dans le Massif central à 1500 mètres d'altitude, une première depuis les relevés météorologiques de 1895. Météo France prévient, ces phénomènes risquent de devenir plus fréquents et plus intenses, avec les conséquences que l'on connaît sur la flore et sur le niveau d'enneigement. Alors sans grande surprise, 2021 devrait être la 21e année la plus chaude depuis 1900, plus chaude encore que 2020. Et enfin, la NASA a annoncé que la durée de la mission du James Webb Space Telescope pourrait être doublée. Oui, une mission non pas de 5 ans comme prévu initialement, mais peut-être de 10 ans ou plus. Depuis son lancement le 25 décembre dernier, la NASA a utilisé beaucoup moins de carburant que prévu lors des deux corrections de cap. Le télescope aura suffisamment de carburant pour opérer en orbite pendant une durée bien supérieure à 10 ans, a annoncé la NASA. Le plus grand télescope spatial a également réussi la prouesse technique du déploiement de ces immenses pare-soleils qui maintiennent les miroirs du James Webb télescope au froid. La mise sous tension de ce bouclier thermique doit avoir lieu aujourd'hui. Et on vous dit tout demain à propos de ce James Webb Space Telescope et de son avancée et de ses futures missions. Et on vous retrouve demain, Natacha, pour le prochain Journal des Sciences. Y a-t-il 8,5 millions d'hypochondriaques en France? Selon une étude IFOP Capital Images, un tiers des personnes interrogées disent avoir peur d'être atteintes d'une maladie ou d'être en train d'en développer une lorsque certains signes ou symptômes les inquiètent. Et plus inquiétant, 13% de ces personnes s'angoissent même en l'absence de symptômes. Mais qu'est-ce que l'hypochondrie au juste? S'agit-il du corps qui trompe le cerveau en lui envoyant à tort des signes de douleur ou d'inconfort? Ou s'agit-il d'un défaut du cerveau qui produit des hallucinations corporelles? L'hypochondrie peut-elle être elle-même considérée comme une maladie à part entière? Écoutez la réponse qu'apporte notre archive du jour. Nous sommes en 1975 sur France Culture. Tout ce qui se passe à l'intérieur, évidemment, est entièrement fantasmé. Enfin, on débouche sur les trucs classiques alors de l'hypochondrie. Mais l'hypochondrie, c'est pas mauvais parce que c'est une imagination. Enfin, il y a des gens, c'est même assez agréable de penser qu'il y a des gens qui peuvent imaginer l'intérieur de leur corps. Il y a des gens qui ne sont même pas capables d'avoir l'imagination de l'intérieur de leur corps. On dit toujours les hypochondriaques sont des gens rigides, pauvres, etc. Il faut le faire quand même, d'être hypochondriaque. Il y a des gens qui sont rasants. Un type qui ne voit jamais que l'extérieur de son corps sans jamais imaginer l'intérieur, c'est quand même quelqu'un qui est dénué d'une certaine imagination. La médecine est perturbatrice par le fait qu'elle apporte des techniques nouvelles. Et il est assez amusant de voir que la télévision a amené en médecine quelque chose qui impose aux malades une vision de son corps, qui leur rend hypochondriaque malgré lui. Ça, c'est assez, pour être sadique, mais enfin, c'est assez plaisant de penser que nous, les médecins, par exemple, ne sommes pas les seuls à connaître l'intérieur du corps, que le malade lui-même va être mis en face de la connaissance de l'intérieur de son corps. Voilà, Roland Sonquin, médecin écrivain dans Courant Alternatif, court-circuit en mars 1975 sur France Culture. C'est intéressant cette notion ou cette approche, Antoine Pellissolo. Il faut le faire d'être hypochondriaque, nous dit Roland Sonquin. Oui, avec vraiment une fixation sur l'aspect d'introspection, visiblement, en tout cas physique, là en l'occurrence, mais on voit bien le lien avec l'introspection mentale. Et puis on peut réagir aussi avec un peu de recul aujourd'hui sur l'effet de la télévision. Mmh. Parce que je pense qu'on va parler des effets socio-culturels, mais aujourd'hui on parle plutôt du multimédia, d'Internet, et avec une influence réelle sur la pensée hypochondriaque. Quoi. Michael Saraga, votre réaction à cette archive de 1975 ? Bon, je l'ai trouvé assez séduisant. Ce que je trouve aussi intéressant, disons, c'est cette idée que la médecine et la mène, elle vient changer l'environnement socioculturel, et elle donne effectivement toute une série de repères ou de façons d'investir son corps, cette façon dont le médecin disait qu'il n'y a plus que les médecins qui voient l'intérieur du corps. Alors c'est vrai qu'on est aujourd'hui soumis vraiment à beaucoup beaucoup d'images de l'intérieur du corps qui sont toujours très très fascinantes, quoi, et qui, je pense, ont certainement un impact important. Est-ce que vous diriez l'un et l'autre que la crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans maintenant a favorisé des pensées ou des comportements hypochondriaques, Antoine Pellissolo ? Forcément, puisque le message quasiment quotidien, c'est prenez soin de vous, attention, évidemment les risques de contamination, évidemment toutes les conséquences de la maladie, des comorbidités, donc c'est omniprésent. Alors chez les hypochondriaques, je dirais préalables, bon, bah, ça augmente le niveau de stress, et c'est vrai que en général, ils sont encore plus mal que d'habitude, mais aussi chez tout un chacun, ça révèle, je pense, certaines hypochondries que certaines personnes n'avaient pas ressenties jusqu'à présent. Et puis il y a toujours, c'est ça les mystères de la psychologie, des gens qui se sentent très éloignés de ça malgré la pandémie, on voit bien, il y a encore des sceptiques hein, vis-à-vis de la maladie, des vaccins, etc. Donc c'est le phénomène psychologique sous-jacent est complexe et multidéterminé. On peut dire, pour résumer Michael Saraga, que le niveau d'anxiété autour des questions de santé est plutôt favorable au développement de pensées ou de comportements hypochondriaques en règle générale. Oui, enfin disons, je pense que le niveau d'anxiété en général va alimenter, disons, les préoccupations chez les personnes qui sont prédisposées à l'hypochondrie. Bah, cette anxiété, elle va se focaliser sur la question de la maladie. Ce qui me paraît aussi assez significatif par rapport à la pandémie en cours, c'est, je pense, que ça illustre aussi quelque chose, il me semble, qui relève, on pourrait dire, d'une responsabilité de la médecine dans la genèse aussi d'un certain niveau d'hypochondrie un peu généralisé, c'est que la médecine a eu tendance depuis en tout cas une vingtaine, même plus que ça, peut-être une quarantaine d'années, à tenir un discours à la population qui peut prendre la forme de « méfiez-vous, ça peut avoir l'air anodin et en fait être grave ». Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit par rapport aux signes avant-coureurs de l'infarctus du myocarde, par exemple, ou de l'accident vasculaire cérébral, et certainement à juste titre, mais disons, ça conduit à dire aux gens « bon, méfiez-vous, ça peut avoir l'air de rien, alors qu'en fait c'est grave ». Et pour le Covid, on est bien dans un discours du même genre, puisque on encourage les gens à se tester au moindre symptôme. Donc évidemment, on dit aux gens de se méfier de l'impression qu'ils pourraient avoir que quelque chose n'est pas grave, ce qui certainement peut faire le lit de préoccupations hypochondriaques. Oui, c'est malheureusement toujours les effets secondaires de quelque chose qui peut être positif. On a développé quand même de plus en plus de communication autour de la prévention hein, pour les maladies au sens large. Et prévention, ça veut dire qu'on est censé faire des choses avant d'être malade pour ne pas être malade. Et ce message-là, il est évidemment plutôt utile et bénéfique pour l'ensemble de la population. Mais pour certaines personnes, il y a une forme d'acutisation et de focalisation sur tout. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se surveiller, comme disait notre confrère anciennement, l'intérieur de son corps. Maintenant, on a des outils maintenant qui permettent de voir beaucoup de choses. Et on pourrait se dire qu'instant après instant, on surveille l'émergence de n'importe quelle maladie. Sauf que c'est pas possible et que chez les personnes vulnérables à l'hypochondrie, c'est une manière de se gâcher la vie quotidienne complètement. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc d'hypochondrie dans cette première émission de l'année en compagnie d'Antoine Pellissolo et de Michael Saraga. Antoine Pellissolo, peut-être comment définit-on aujourd'hui exactement l'hypochondrie? Il y a plusieurs types d'acceptions. Il y a celle du DSM-5 qui est le recueil des maladies psychologiques et psychiatriques. Il y a d'autres formes d'acceptions qui ont évolué au fil du temps. Quelle serait la définition que vous en donneriez, vous, aujourd'hui? Alors, pour une fois, je pense que c'est un des termes quand même qui est assez commun entre le langage courant et la médecine, hein, et la psychiatrie, il n'y a pas trop d'écart. Il y a un écart, évidemment, de degré. L'hypochondrie, dans le sens courant, c'est la préoccupation pour la santé. Et puis, jusqu'à un certain point, la perception ou la conviction qu'on est malade. Alors, évidemment, tout ça, c'est graduel. Et pour définir une pathologie, en effet, dans nos classifications, un trouble, il faut considérer que c'est anormal. Alors que la préoccupation pour la santé, par définition, n'est pas anormale. Elle est même plutôt encouragée. Donc, c'est anormal quand on en souffre. Et c'est là que ce que vous disiez au départ, l'hypochondrie est une maladie, en effet, quand elle est omniprésente, lorsqu'elle devient obsessionnelle, lorsqu'elle a des effets sur le comportement. Et tout ça, c'est subjectif, mais on est habitué à faire ces diagnostics-là en médecine, comme pour toutes les anxiétés. Il y a un peu, beaucoup, passionnément, et puis un peu trop à la folie, avec des gens qui souffrent et qui peuvent souffrir vraiment durement. Alors donc, ça, c'est l'hypochondrie anxieuse classique, donc l'anxiété excessive. Et puis, en effet, il y a des variantes qui sont liées au fait que cette thématique autour de la santé peut se retrouver dans beaucoup d'autres affections psychiatriques, que ça soit des psychoses ou des névroses, comme on disait avant, ce qu'on appelle plutôt maintenant les troubles de l'humeur. Et donc, il y a des schizophrénies avec une conviction hypochondriaque. Ça fait partie d'ailleurs des signes assez classiques de début de la maladie, d'avoir des jeunes qui ont l'impression que leur corps se transforme, par exemple, avec une fixation, hein, qu'on appelle aussi la dysmorphophobie, mais ça commence souvent aussi autour de dysfonctionnement du corps. Et puis, dans la dépression, un autre cadre tout à fait important, on peut avoir des épisodes d'hypochondrie qui sont pas la constitutionnelle, mais qui sont plutôt symptomatiques d'un état dépressif, de souffrance, qui va jusqu'à ce qu'on appelle la mélancolie, et le terme d'ailleurs rejoint historiquement celui de l'hypochondrie. Dans les dépressions les plus graves, on a des formes d'hypochondrie qu'on appelle délirantes, lorsque la conviction est vraiment inébranlable qu'on a, alors soit des maladies classiques, le cancer, ou une affection organique, soit en plus une impression très très bizarre que les organes sont détruits de l'intérieur. C'est un peu ce qu'on voit dans les mélancolies les plus graves, le syndrome de Cotard notamment. Mmh. Donc il y a une palette en psychiatrie d'expression de l'hypochondrie, mais l'hypochondrie principale, c'est ce trouble anxieux durable qui n'est pas forcément constant, mais qu'on voit quand même souvent durer chez les personnes avec des hauts et des bas, on va dire, mais quelque chose qui est assez prégnant. Mmh. Quelle serait votre définition, Michael Saraga? J'apporte une précision. Est-ce qu'on tout le monde n'est pas un peu hypochondriaque? Est-ce qu'on n'a pas tous, à un moment donné de notre vie, traversé un moment où on se dit « Ouh là là, mon Dieu, j'ai un cancer » ou « J'ai une maladie plus grave » ou « Ouh là là, il faut que j'aille consulter, que j'aille faire des examens parce que je suis préoccupé » alors que c'est souvent, évidemment, rien ou très bénin. Bon, sur le plan de la définition, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Pellissolo. Je pense aussi que l'hypochondrie, au sens strict du terme, c'est vraiment une pathologie anxieuse. Alors, bien sûr, l'anxiété, ça fait partie des expériences humaines communes, hein, et on peut tous passer par des moments d'anxiété qui peuvent avoir cette couleur hypochondriaque dans le sens d'une préoccupation qu'on serait atteint d'une maladie. C'est assez normal. Enfin, je veux dire, si on palpe une boule quelque part, on va évidemment s'inquiéter de ce qu'elle peut signifier. Ce qui est particulier dans l'hypochondrie, c'est que l'anxiété, elle revient. C'est-à-dire que éventuellement l'hypochondriaque va consulter ou il va essayer de se convaincre tout seul qu'il n'a rien, mais la préoccupation va revenir. Il y a quelque chose là qui peut pas être rassuré. C'est ça qui fait la dimension pathologique. Alors après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a certaines pathologies sur lesquelles on peut pas être complètement rassuré. C'est-à-dire, la maladie peut toujours survenir. C'est peut-être qu'elle n'est pas encore là, mais elle peut venir plus tard. Mais alors, ce qui caractérise l'hypochondriaque, c'est que cette anxiété-là, elle est envahissante, elle fait retour. C'est ça qui distingue quand même, on va dire, ce côté pathologique de l'hypochondrie, de l'inquiétude qu'on peut tous avoir pour sa santé, qui est une inquiétude aussi assez saine, hein. Je veux dire, probablement quand on a des symptômes, c'est plutôt bien d'aller consulter, par exemple. Mmh. Antoine Pédissolo, vous évoquiez tout à l'heure la mélancolie et l'acception originelle, entre guillemets, de l'hypochondrie. Effectivement, l'hypochondrie, on trouve des traces dans la littérature médicale très ancienne. Ça vient d'où exactement? Qu'est-ce que ça définit, hypochondrie? Même peut-être un petit détour par l'étymologie de ce mot. Alors, l'hypochondrie, ça vient d'hypochondre. L'hypochondre, c'est une région du ventre, de l'abdomen, qui se trouve plutôt sous les côtes, en fait. C'est sous les côtes, hypochondre. Et c'est l'idée qu'à l'époque, et l'époque ça veut dire l'Antiquité, les maladies s'expliquaient par des dérèglements, on dit des humeurs à l'époque, c'est-à-dire des liquides du corps, et en l'occurrence c'était la bile qui était considérée comme la cause des dérèglements anxieux ou de la souffrance psychique exprimée, et la bile noire venant notamment du foie ou de la vésicule biliaire, on dirait maintenant. Donc l'analogie, c'est quand on souffre de cette dépression, de cette angoisse, ça vient du ventre. Ce qui paraît aujourd'hui un peu décalé, parce qu'on sait bien que la cause, c'est pas la bile. Mais malgré tout, la fixation sur le tube digestif, sur le ventre, est une grande constante des hypochondriaques. Ça, c'est vrai encore aujourd'hui. On a aussi maintenant aussi travaillé sur ce qu'on appelle le deuxième cerveau, hein, vous savez, le microbiote, etc. Donc ça, c'est pas complètement hors de tout, cette analogie. Mais en l'occurrence, bon, c'était l'idée que l'hypochondrie viendrait d'un organe comme ça, de l'abdomen, ce qui évidemment était l'analogie de ce temps-là. Mais c'est resté, l'hypochondrie, on l'utilise aujourd'hui, ça a traversé le temps, notamment la littérature, hein, le théâtre également, Dr Knock, vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, le tout bien portant est un malade qui s'ignore. Donc forcément, l'hypochondrie fait partie de la nature humaine, mais juste à un certain point. Le malade imaginaire, évidemment, qui fixe un peu cette image de cette maladie insaisissable. On dit, Michael Saraga, de l'hypochondrie, d'ailleurs dans le fameux journal d'un hypochondriaque de Paolo Repetti, que la seule maladie dont un hypochondriaque ne peut accepter d'être atteint est l'hypochondrie. Il serait obligé d'accepter le caractère illusoire de toutes les autres. Ça veut dire que on est souvent face à des personnes qui ne sont pas diagnostiquées, qui refusent de se faire diagnostiquer, qui ont le sentiment intime d'être en errance diagnostique et donc qui changent de médecin régulièrement jusqu'à ce qu'on leur dise qu'ils sont vraiment malades. Comment est-ce qu'on fait pour s'emparer finalement de ces patients-là, de s'en emparer ou en tout cas de les prendre en charge pour pouvoir traiter ce trouble qu'est l'hypochondrie? Bon, je suis pas sûr que les hypochondriaques s'ignorent tous à un tel point comme hypochondriaques. Je pense qu'ils sont souvent assez conscients de quelque chose, de leur tendance à s'inquiéter de façon excessive. Simplement, quand l'angoisse est là et quand ils sont aux prises avec cette inquiétude quant à la possibilité d'une maladie grave, ça devient très difficile de se raisonner par rapport à l'angoisse. Et puis la personne, elle va recourir à ce qui lui permet de gérer l'angoisse, qui peut être diverses choses, mais enfin entre autres, ça peut être d'aller consulter pour aller obtenir d'un médecin la réassurance. Toujours très transitoire, hein, que au fond, ça n'est pas la maladie grave qu'on redoutait. Mais donc, je suis pas certain, si vous voulez, qu'il y ait un refus complet de cette idée chez les hypochondriaques qu'ils auraient cette tendance hypochondriaque. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'hypochondrie qui le savent, mais simplement quand l'angoisse est là, se dire qu'on est hypochondriaque, ça ne permet pas de l'apaiser, et donc ça va. Conduire à consulter typiquement, c'est pas la seule stratégie. Il y a des gens qui gèrent leur angoisse de toutes sortes de manières, y compris avec l'alcool, par exemple. Vous parliez tout à l'heure de Dry January. Enfin, voilà, chez certains hypochondriaques, ça va conduire à consulter. Il y a d'autres hypochondriaques qui, à l'inverse, ne consultent jamais tellement ils ont peur que le médecin leur annonce un diagnostic catastrophique. Antoine Pellissolo, on a une idée de l'épidémiologie de l'hypochondrie en France ou dans le monde. En France, pour commencer, il y a des chiffres très très différents. On parle parfois de 2-3% de la population. Et puis, je citais ce sondage, alors qu'il n'a pas de valeur médicale évidemment, mais qui montre que quand même jusqu'à un tiers des personnes interrogées ont des inquiétudes quant à leur santé dès qu'apparaît un symptôme. Est-ce qu'on peut trancher entre ces deux chiffres qui sont quand même du simple au décuple. Ouais, c'est toujours délicat. En France, il y a à ma connaissance pas d'études très sérieuse scientifiquement sur la prévalence, hein, qu'on me dit, de l'hypochondrie. Dans le monde, il y en a un petit peu plus, mais pas non plus énormément. Quelque chose d'assez robuste, c'est ce qu'on connaît plus auprès des personnes qui consultent, notamment en médecine générale. Et les chiffres, c'est autour de 5 à 10% des consultants de médecine générale qui ont là quelque chose qui ressemble à un diagnostic d'hypochondrie. Donc c'est quand même assez répandu dans cette population-là. C'est quelque chose de fréquent, et effectivement, tout dépend d'où on met la barre. Hein. Si on met un seuil très bas, on peut dire que tout le monde est hypochondrique. Mais si on met des critères un peu plus sérieux, c'est quelques pourcents de la population. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Quelques pourcents de la population qui souffrent de troubles hypochondriaques poussés, sérieux, voilà. C'est-à-dire qui pourraient nécessiter une aide, parce que c'est ça l'intérêt de définir un diagnostic, de pouvoir être aidé, c'est-à-dire d'être accompagné par un psychologue, un médecin, pour essayer de mieux vivre cette situation. Il faut peut-être, Michael Saraga, faire un distinguo au moment où nous parlons entre ce qu'on appelle des troubles hypochondriaques, ce qu'on appelle la somatisation et ce qu'on appelle la nosophobie. Ce sont trois choses très différentes, ou est-ce que au contraire ce sont des notions qui se recoupent? Dans la clinique, on voit toutes sortes de choses. Je pense quand même que l'hypochondrie et la somatisation, on peut les distinguer, c'est-à-dire que on va dire classiquement dans la somatisation, il y a des symptômes physiques qui perdurent dans le temps, qui peuvent éventuellement évoluer, mais qui sont très significatifs. Et il y a beaucoup de préoccupations sur les symptômes eux-mêmes. Et la personne souffre des symptômes. Alors souvent, ça la conduit à en chercher une cause, mais c'est une cause qu'elle ignore. Le plus souvent, il n'y a pas beaucoup de fantasmes sur la maladie à l'origine des symptômes, alors que dans l'hypochondrie, le symptôme, c'est plutôt quelque chose qui va déclencher l'angoisse et puis le scénario catastrophique autour d'une maladie grave. Et le symptôme lui-même préoccupe moins que sa signification. Maintenant, la nosophobie, ça, c'est plutôt de l'ordre d'un comportement qui peut être lié à différentes causes. Certainement, il y a des hypochondriaques qui sont nosophobes, c'est-à-dire qui sont tellement angoissés à l'idée d'avoir une maladie grave que le médecin va leur annoncer, que du coup, ils fuient les médecins. Mais il peut y avoir d'autres raisons de fuir les médecins. On peut avoir fait de mauvaises expériences, on peut avoir toutes sortes de raisons, disons, d'éviter d'aller chez le médecin. Antoine Pellissolo, oui, je voulais peut-être aussi... Oui, pardon, allez-y, Michael Saraga. Non, je vais peut-être juste aussi préciser une chose par rapport à ce qui était dit là sur la proportion chez les médecins de première cour des hypochondriaques. C'est certainement... Il y en a davantage dans les cabinets de médecine générale que dans la population générale. Il y en a aussi davantage dans les cabinets des médecins que dans les cabinets des psychiatres, je pense. Mais il faut peut-être aussi faire cette distinction par rapport à un autre trouble anxieux très fréquent et qui conduit beaucoup de gens aussi chez les généralistes et aux urgences des hôpitaux, qui est le trouble panique, qui peut avoir une couleur un tout petit peu hypochondriaque, mais qui est quand même assez différent, où c'est sûr, pendant un accès de panique, pendant une attaque de panique, les personnes, elles ont très souvent l'impression qu'elles sont en train de faire une crise cardiaque ou quelque chose de ce genre. Et en général, c'est les premières attaques de panique, quand on ne sait pas ce que c'est, on est assez convaincu d'avoir une embolie pulmonaire, une dissection de l'aorte ou quelque chose de très grave, et on se précipite aux urgences pour ça. Mais disons... Ou un AVC, parfois, oui. Voilà, mais c'est pas... c'est un symptôme de l'attaque de panique, cette interprétation... hypochondriaque, mais c'est différent de l'hypochondrie. C'est-à-dire qu'une attaque de panique, c'est effectivement quelque chose d'assez cataclysmique qui pousse les gens à se demander ce qui leur arrive. Antoine Pellissolo. Il y a cette proximité qui est importante, en effet, parce que les personnes qui ont des attaques de panique ont quand même assez souvent des tendances, en tout cas hypochondriaques associées. Et puis il y a une autre pathologie aussi assez voisine, on va dire, c'est les troubles obsessionnels compulsifs, qui se rapprochent en partie de l'hypochondrie, de la nosophobie, avec cette composante de doute qui est vraiment centrale et commune. Le doute, c'est j'y crois pas, et si, et puis c'est tellement grave que je préfère faire comme si c'était là pour me préserver. Donc ça, c'est très voisin. Et puis malheureusement, il y a aussi la composante compulsive. Donc dans le TOC, il y a obsession-compulsion. Et on voit aussi souvent des compulsions, en tout cas de vérification chez les hypochondriaques, justement, qui vont soit sur Internet vérifier tous les symptômes d'une maladie, ses traitements, son évolution, soit consulter, ce qui est un petit peu mieux en général quand même, un médecin ou faire des examens. Et plus on en fait, malheureusement, dans ces cas-là, quasiment plus on a besoin d'en faire. C'est ça tout le cercle vicieux de cette affection, parce que souvent, on n'est jamais rassuré et que dans la médecine moderne, il y a tellement d'offres possibles d'examens, notamment, ou en tout cas de recours, qu'on trouvera toujours l'idée d'aller voir quelqu'un d'autre qui sera plus attentif ou plus performant. Et ça, c'est vraiment le cercle vicieux qui... Et donc ça s'apparente au TOC parce que c'est la même chose que dans les vérifications ou les lavages de mains. Plus on le fait, plus on a besoin de le faire. Donc c'est en tout cas un angle d'attaque qui peut être important pour les traitements. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, Antoine Pellissolo, du surcoût que représentent les surconsultations, les surexamens qui sont faits par des personnes hypochondriaques qui sont en bonne santé et qui ont recours de manière répétée à ce type de consultation? Pas vraiment, parce que là aussi, il faudrait vraiment une mesure très très précise. Ce que l'on sait, par exemple, c'est que chez les cardiologues, et notamment pour les examens du cœur, qui sont les coronarographies, on trouve beaucoup d'examens négatifs, au final, qui sont en partie, alors pas que ça, mais qui pourraient être un petit peu demandés de manière excessive pour des patients qui ont, comme le disait le docteur au téléphone, avec une plainte qui ressemble à une infarctus, par exemple, quand on est anxieux. Donc il y a sûrement un surcoût de ce côté-là, il y a un surcoût dans les consultations. Alors il faut voir aussi, si on peut voir les deux côtés de la barrière, il y a aussi l'intérêt quand même de consulter quand on n'est pas bien, et sûrement il y a aussi quand même des économies qui peuvent être faites de ce côté-là. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et ça veut pas dire qu'il ne faut faire aucun examen, il faut trouver le bon dosage, c'est ça l'essentiel, parce que je pense quand même, d'une certaine manière, le fait de bien soigner est bénéfique à tous les niveaux, pour la santé et aussi pour les dépenses de santé. Miguel Saraga, sur cette question. Bon, c'est très difficile à faire ce genre de calcul. C'est sûr que je pense que cette dimension compulsive dont parlait le docteur Pellissolo, elle est assez importante à prendre en compte, parce que il y a quelque chose qui peut vraiment entretenir le trouble dans le fait de répondre à des demandes par des examens. C'est aussi ça qui peut faire qu'on va changer de médecin pour obtenir l'examen que le médecin précédent, qui commence à se douter de quelque chose, a tendance à refuser. Mais il y a ce coût-là aussi, c'est-à-dire que l'examen, il coûte quelque chose peut-être financièrement, mais il peut coûter aussi quelque chose dans le sens où il entretient la pathologie. Puis en même temps, évidemment, c'est pas parce qu'on est hypochondriaque qu'on peut pas par ailleurs avoir un autre problème de santé, et donc il faut aussi pouvoir entendre l'éventuel signe d'appel pour demander l'examen nécessaire, quoi. Antoine Pellissolo. Oui, tout repose sur la confiance, évidemment, aux professionnels de santé. Et puis, je voulais juste rajouter un autre coût possible, qui est celui de la consommation quand même de médicaments, parce que tout dépend ensuite des profils des personnes vis-à-vis de la pharmacopée et des médicaments. Mais on sait très bien quand même qu'il y a une surconsommation possible de tous les médicaments, pas que les psychotropes d'ailleurs, et même peut-être moins les psychotropes que d'autres médicaments. En France, en tout cas, on a des tendances à surconsommer des médicaments pas forcément essentiels, pas forcément dangereux non plus, mais ça dépend. Et là, je pense que l'hypochondrie y participe beaucoup. On va continuer à parler de l'hypochondrie dans la deuxième partie de cette émission. On va notamment se poser la question de la façon dont on peut prendre en charge des hypochondries sévères ou délirantes. Ce sera tout de suite après ça. Yeah. qu'est-ce qui ne tourne pas rond d'Antoine à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons d'hypochondrie tout au long de cette heure en compagnie d'Antoine Pellissolo, qui est chef du service psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil et professeur de médecine à l'université Paris-Est Créteil, et Michaël Saraga, qui est psychiatre, psychothérapeute, médecin adjoint dans le service de psychiatrie générale du centre hospitalier universitaire vaudois. Comment donc traiter l'hypochondrie, notamment ses formes les plus sévères qui rendent la vie extrêmement compliquée aux patients qui en souffrent? Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Et bonne année à vous. Et bonne année de même. Vous vous êtes rendu au service psychiatrique de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, dans un service qui traite précisément les troubles hypochondriaques. Et oui, j'ai vu la docteure Aurélia Schneider. Alors selon elle, la résolution du problème réside en deux règles essentielles. Premièrement, ne jamais aller sur le web pour traquer des informations médicales. Et deuxièmement, se livrer dans une sorte d'auto-analyse grâce à un carnet de bord. Elle invite ses patients à tenir un tableau dans lequel ils inscrivent tous les symptômes qu'ils pensent ressentir. Ainsi, en archivant sur des mois, voire des années, l'ensemble des maladies accumulées qu'ils ont cru subir et dont de fait ils n'ont jamais souffert, eh bien, une sorte de logique s'impose, ouvrant ainsi la voie à une rémission souvent efficace. Le soin qu'on peut apporter à ces patients, c'est plusieurs volets. Il y a d'abord une reconnaissance. Il faut pouvoir comprendre que ces patients vivent un enfer. Tous les jours, penser qu'on est atteint d'une maladie mortelle et que c'est quelque part en embuscade dans notre corps et que à chaque fois qu'on va faire un prélèvement sanguin, etc., on va avoir des résultats effroyables, on ne vit plus à ce moment-là. Ces patients-là sont dans l'antichambre permanente de leur mort. C'est vraiment, vraiment dur d'être hypochondriaque. Donc premièrement, c'est la reconnaissance. Et la deuxième chose, ça va être de demander, donc de ne plus aller regarder sur Internet. Ça, c'est une consigne comportementale stricte que le patient doit respecter. C'est vraiment important. C'est un contrat de confiance, la thérapie. On doit respecter ça. On doit respecter dans la mesure où le bilan est normal. Et je suis la première à faire un bilan quand j'ai un doute, ou à adresser un collègue spécialiste quand j'ai un doute. Donc, deuxièmement, on ne regarde plus les forums, les trucs. Ensuite, moi, j'aime bien proposer aux patients d'écrire, de tenir le petit carnet de l'hypochondrie. Pourquoi ? Parce que les patients sont donc hypochondriaques en général depuis longtemps. Dans leur idée, ils sont atteints de maladies mortelles depuis toujours. Et quand on tient le carnet de ces maladies, on s'aperçoit avec les patients qu'ils en sont à leur 5e ou 6e cancer, ils en sont à leur 20e infarctus, ils ont eu 3 fois, 4 fois, 6 fois le sida. Et en fait, personne ne leur permet de prendre conscience que ça dure depuis tellement longtemps et que si c'était ça, si c'était vraiment ça, on ne serait plus là à se parler. Vous voulez dire que le fait d'exprimer, de verbaliser et poser les mots sur le papier permet de leur rendre compte de leur propre incohérence? Oui, alors poser, écrire, permet de se rendre compte que ça fait tellement longtemps que ça dure. Quand ils reprennent dans leurs souvenirs, on s'aperçoit que le cancer, je voyais ce matin un patient, ça existe depuis 84. Alors on se dit, depuis 84, cette tumeur au cerveau, elle a quand même évolué très très lentement. Et on s'aperçoit des décalages en écrivant. Alors ce qui est remarquable aussi chez l'hypochondriaque, c'est le « un clou chasse l'autre ». C'est-à-dire, vous êtes à peine sorti de votre cancer digestif que survient l'embolie pulmonaire. Un transfert. Alors, je ne peux pas dire ça. En tout cas, vous êtes rassuré, on vous a fait une coloscopie, on a exploré. Vous n'avez pas de tumeur. Ils sont bien pendant 2 jours. Et le surlendemain, la douleur arrive dans la poitrine. Et ça y est, c'est l'infarctus. Et une fois qu'on aura fait le bilan cardio, l'infarctus s'arrêtera et on aura un grain de beauté qui va attirer toute l'attention du patient jusqu'à l'examen dermato. Mais est-ce qu'il y a des patients dont vous avez appliqué ces méthodes-là, travail sur soi, travail de binôme, travail par écrit, qui se sont sortis de l'hypochondrie? Bah oui. Oui, c'est quand même le but. Hein. Donc ça marche, cette méthodologie fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on établit le diagnostic, où on a suffisamment de compréhension de la difficulté de leur vie, qu'ils ne vont plus sur Internet, qu'ils remplissent ce cahier d'introspection depuis toutes ces années. Moi, je leur demande de faire du travail rétroactif. C'est, ils remontent à des âges, quand ils avaient 12 ans, ils se rappellent de trucs, de voir que l'enchaînement est toujours le même. Et on compte combien il y a eu d'embolies pulmonaires, on compte combien il y a eu d'infarctus, on compte combien il y a eu de fois où ils ont été inquiets sur telle ou telle pathologie. Et on fait des colonnes. Et puis, Les suivez toutes les semaines ou... Ah non. Non, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour qu'ils reprennent tout ce qui leur est arrivé. Mais en général, on a un rythme de se voir une fois toutes les 3 semaines à peu près. Il faut avoir suffisamment de matière aussi à analyser ensemble. Il faut de la matière, il faut du matériel, il faut que les cahiers soient remplis. Et donc là, on a sous les yeux typiquement ce tableau, cette grille. C'est un outil de soutien aux hypochondriacs que moi j'utilise. Donc c'est un tableau en 8 colonnes. C'est un tableau, voilà, et puis en colonnes. On marque un fait qui survient, c'est-à-dire par exemple douleur au-dessus du sourcil droit. Daté, on met la date. Alors mon patient ce matin, il a mis douleur au sourcil droit en 84. Ensuite, il se dit dans sa tête, j'ai une tumeur au cerveau. Et il était à l'époque en classe prépa. Et donc, qu'est-ce que je fais? Rendez-vous médecin. Lui, il raconte qu'à ce moment-là, il s'est complètement déscolarisé. Il a arrêté sa classe prépa, tellement il était inquiet sur sa maladie. Pourtant, le médecin n'avait rien vu. Résultat de la consultation, rien, en l'occurrence. Évolution, il y a pensé pendant plusieurs mois. Il a repris l'année suivante, il a redoublé. Et puis, c'est passé au cours du temps. Et là, c'est ma colonne à moi, la dernière colonne, c'est le recul. Le recul à quelques mois, le recul à quelques années. C'est la colonne évaluation. C'est la colonne évaluation. Et je lui ai dit ce matin, aujourd'hui on est en 2021, donc ça fait combien de temps que finalement cette tumeur au cerveau a évolué? Alors ça l'a fait un petit peu sourire. À l'époque, il y croyait dur comme fer, et là maintenant, des années plus tard, en fait, on s'aperçoit qu'il ne s'est rien passé. Et donc, cette colonne résultat, c'est la colonne thérapeutique, c'est la dernière colonne que le patient remplit en séance avec moi. Voilà, la prise en charge par le docteur Aurélia Schneider à l'hôpital Saint-Antoine de patients hypochondriaques. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Antoine Pellissolo? Oui, alors c'est typiquement ce que l'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, qui s'appliquent très bien à beaucoup de troubles anxieux et en particulier à l'hypochondrie. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à mener. Il faut en effet des thérapeutes qui ont un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. Et en fait, tout dépend évidemment de la motivation de la personne. Quelqu'un qui vient consulter un psychiatre en plus ou un thérapeute, ça veut dire qu'il a en effet déjà quand même intériorisé qu'il a ce problème. Et comme on disait tout à l'heure, la prise de conscience, elle existe, elle est tout à fait possible. Moi, j'ai encore un patient qui m'a écrit ce matin en me disant qu'il était hypochondriaque, donc qu'il demandait des soins pour ça. Mais ça prend quand même souvent déjà un petit peu de temps. Donc c'est souvent le médecin généraliste ou d'autres spécialistes qui va devoir faire ce travail d'accompagnement, de motivation. Parce qu'il y a toujours, c'est très ambivalent, le malade qui va dire, on va me suivre pour une hypochondrie, ça veut dire qu'on va considérer que je n'ai aucune maladie et que si jamais j'en avais une, personne ne s'en occupera. Donc c'est là que la relation de confiance est importante, qu'évoquait aussi la collègue dans l'enregistrement. Donc c'est les thérapies comportementales et cognitives, en gros c'est deux choses, elle a bien expliqué, c'est comment on traite l'information, comment je réagis quand j'ai une perception, et souvent il y a une hyper-attention, une hyper-vigilance à tout le fonctionnement du corps. Et puis deuxième chose, qu'est-ce que je fais pour me rassurer? Et en fait ces deux leviers là sont à l'origine de la pérennisation du trouble, donc il faut lutter contre, penser autrement et agir autrement. Et agir autrement c'est plus facile, hein, parce qu'elle le disait, c'est d'arrêter toutes les vérifications. Alors c'est facile à dire, c'est un peu moins facile à faire, mais en fait, il faut avoir une vigilance très particulière à ne pas aller sur les forums, en effet, ne pas aller vérifier les maladies. Et puis surtout, moi, le conseil que je donne surtout, c'est d'avoir un médecin et un seul, de ne pas multiplier, parce qu'on peut aujourd'hui faire un peu du vagabondage médical, et ça, il faut vraiment l'arrêter, d'avoir un médecin qu'on va voir quand on est inquiet, on va lui dire ce qu'on a, et on lui fait confiance. Et autour de ça, ça peut se travailler sur le long terme, avec un thérapeute. L'autre point souvent associé qui est vraiment utile, c'est l'activité physique, avoir une relation au corps qui va être aussi un peu différente, parce que quand on est hypochondriaque, on n'a pas confiance dans son corps, et bien refaire du sport, ou toutes les activités, je sais pas, comme le yoga par exemple, qui permettent de mieux sentir son corps de manière positive, c'est très favorable. En fait, c'est un ensemble de choses qu'il faut un petit peu adapter au plan individuel. Mickaël Saraga, votre réaction à ce reportage et à cette idée, par exemple, du carnet de maladies qui permet d'objectiver effectivement la fréquence des maladies qu'on pense avoir. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça fait partie d'un arsenal plus large? Est-ce qu'il faut avoir recours à des traitements médicamenteux aussi pour réduire les niveaux d'anxiété? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'il y a différentes. Enfin, il existe, disons, plusieurs manières de travailler en psychothérapie avec les patients en général, avec les hypochondriacs. Ça, c'est une manière de faire. Je pense que c'est certainement un outil intéressant, ce cahier aussi comme médium entre le thérapeute et le patient, disons. Après, bon, comme notre collègue le disait dans le reportage, un clou chasse l'autre. Donc bon, on peut bien faire la démonstration de quelque chose, mais au fond, quand l'angoisse revient, l'angoisse est là, et puis le patient, il va avoir tendance à chercher à la faire diminuer. Donc, il y a bien un travail à faire autour de l'anxiété aussi, pas seulement autour des idées. Des fantaisies hypochondriaques, mais aussi autour de l'anxiété, de ses origines et de la façon dont elle est supportable ou insupportable. Alors pour ça, oui, il y a des traitements médicamenteux qui peuvent aider, qui sont rarement miraculeux en tant que tels, mais qui permettent de diminuer un peu le niveau d'anxiété et donc de rendre peut-être plus tolérable, de résister à l'impulsion de la faire baisser au plus vite. Je trouve aussi la recommandation de ne pas aller sur Internet, ouais. C'est certainement un très bon point de départ, je veux dire, face à quelqu'un qui est très symptomatique de l'hypochondrie et qui passe beaucoup de temps sur Internet, peut-être de prescrire comme ça un sevrage de quelques mois d'Internet, pourquoi pas. Si le patient en est capable, je trouve qu'il est déjà presque guéri, donc c'est un peu, il y a quelque chose d'un tout petit peu paradoxal. S'il est très angoissé, ça va quand même être compliqué. Mais en même temps, c'est difficile aujourd'hui de proscrire Internet dans la vie des gens, quoi. De fait, même dans les interactions qu'on a avec le système de santé, ça passe par Internet. Je sais pas comment c'est en France, je dois dire, mais disons en Suisse, jusqu'à récemment dans la pandémie, on devait aller sur Internet pour se tester soi-même, pour voir s'il fallait aller faire un test PCR ou non. Ce que je veux dire, c'est qu'Internet, c'est quand même devenu un peu l'eau du bocal dans lequel on vit tous. Donc, se proscrire Internet, c'est quand même compliqué, quoi. Et c'est un vrai problème, Antoine Pellissolo, parce que c'est vrai que on l'aborde en pointillé depuis le début de cette émission, mais il y a effectivement un effet Internet très très net, les forums de discussion de certains sites très célèbres qui sont devenus presque une blague en disant ben voilà, si tu as mal au crâne et que tu vas voir sur les forums, c'est que tu as une tumeur au cerveau. Comment faire pour couper ce lien avec la surinformation et pour étendre cette question? Est-ce que justement le développement des troubles hypochondriaques n'est pas aussi lié et au progrès de la médecine et au progrès de l'information, et donc ce serait plus un mal de pays riches que de pays qui ont moins accès à ces outils d'information et également à un certain nombre d'outils diagnostiques de médecine? Oui, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, un effet secondaire de quelque chose qui est quand même plutôt bénéfique au départ, qui est l'accès à l'information, l'accès à la compréhension et à la prévention. Là, le chemin à faire avec une personne qui souffre d'hypochondrie et donc qui le sait et qui souhaite modifier son état, c'est quelque chose de très particulier. En effet, il suffit pas de le décider, il faut l'accompagner, de dire vous allez essayer de vous couper de ça, non pas de tout Internet, c'est clair, mais de rechercher une information sur les symptômes que vous avez. Et c'est pas simple, parce qu'en effet, quand on a quelque chose de nouveau, tout de suite le réflexe c'est d'essayer de comprendre. Sauf que quand on sait que c'est un piège, il va falloir décider à l'avance qu'on va pas procéder ainsi. Et le travail du médecin, ça va être de dire je vous accompagne pour répondre à vos questions et répondre de manière fiable, parce que bon, avec un peu de pédagogie, on peut aussi expliquer ce qu'on lit sur les forums, ou en tout cas ce qu'on va avoir comme témoignage, même de sources qui ont l'air sérieuses. Ça sera jamais personnalisé comme il le faut. Il y aura toujours des interprétations biaisées qui vont en découler. Alors que si on a quelqu'un en face de soi qui est un professionnel de santé, un expert de ces troubles et qui va pouvoir personnaliser le message, c'est quand même plus rassurant. Donc c'est ça le travail pédagogique qu'il faut faire pour faire en effet ce sevrage, et vraiment en réexpliquant. Mais ça peut paraître tout bête, mais quand même les Je crois que ça donne souvent la clé, c'est se dire que plus on le fera, plus on aura besoin de le faire, et qu'il y a ce caractère vraiment répétitif qui aggrave les choses. Petit à petit, on arrive quand même à accéder à des changements. Mais ça ne suffit pas non plus complètement. En effet, il y a d'autres choses à faire. On n'a pas trop parlé des origines aussi individuelles, parce que il y a les origines culturelles, l'impact de l'information et des progrès de la médecine, mais il y a aussi le parcours de vie. Et donc il y a des gens qui ont été marqués par des maladies de leur famille, par des propres maladies qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Et ça aussi, en effet, ça demande un travail psychologique, de psychothérapie. Il y a parfois des traumatismes qu'il faut prendre en charge. Et puis le dernier volet quand même, qui est, moi je trouve quand même assez important, celui de certains médicaments. Je vous le disais, que ce soit dans le cadre de troubles associés comme des dépressions ou des TOC, parfois en tout cas les antidépresseurs apportent quelque chose en complément, donc c'est pas du tout systématique et il faut le faire vraiment de manière médicalement encadrée, mais c'est un outil en plus qui peut être assez intéressant. À partir de quel moment il faut prendre en charge une hypochondrie? Est-ce que quand on connaît des gens autour de nous, dans notre famille, dans notre cercle d'amis qui sont hypochondriaques, est-ce qu'il faut les convaincre de leur propre hypochondrie? Est-ce qu'il faut les encourager à aller chercher un soin, un traitement, d'aller consulter quelqu'un de spécialisé? Quelle est la limite, Antoine Pellissolo? Comme vous le dites, il y a aussi l'effet sur les autres. Hein, mais finalement, j'ai l'impression que chez les gens qui consultent, il y a autant la volonté du patient lui-même que de son entourage qui n'en peut plus, parce qu'il y a ce côté usant de quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui pose des questions, alors que quand il y a un dialogue, et ça peut être pareil vis-à-vis des médecins. Donc il y a un seuil de saturation qui est souvent dépassé, soit pour l'entourage, soit pour la personne elle-même, et cette prise de conscience que vraiment ça nous pourrit la vie. Donc là aussi c'est subjectif, à quel point ça revient, à quel point vous perdez de la qualité de vie, vous faites des choses que vous devriez pas faire ou inversement. Bon, c'est subjectif, mais je crois qu'à partir du moment où on pose la question, ça vaut le coup d'en parler à quelqu'un, un psychologue, sans dramatiser, mais dire voilà, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut faire, et après on décide sur la meilleure stratégie. Mmh. Michael Saraga, votre réaction ou votre impression vis-à-vis de ça, tant vis-à-vis d'Internet que de la nécessité à un moment donné d'encourager quelqu'un de proche que l'on connaît à aller consulter pour cette hypochondrie qui devient insupportable pour l'entourage? Bon, sur Internet, disons, c'est sûr que on vit dans une société qui est très hautement médicalisée, dans laquelle les questions de santé ont une place très importante. Alors évidemment, ce qui se passe depuis 2 ans l'illustre de manière massive, disons. Mais enfin, certainement que dans des sociétés moins médicalisées, il y aura moins d'hypochondrie. Je pense que l'anxiété, elle se saisit aussi des objets qui sont à disposition dans l'environnement socioculturel. À côté de ça, ce que disait le docteur Pellissolo est aussi très juste, c'est-à-dire que c'est quand même à chaque fois des histoires individuelles. Et puis ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure du fait qu'il faut quand même s'intéresser aussi un petit peu à la nature de cette angoisse, parce que cette angoisse, elle se saisit aussi de cet objet de la maladie, elle a aussi une existence en tant que telle comme angoisse. Après, la question d'encourager les gens à consulter. Bon, certainement, là aussi je suis d'accord avec ce que disait mon collègue, quand ça prend beaucoup de place, ça se perçoit, quoi, qu'il y a quelque chose là qui devient envahissant et puis qui signale une souffrance. Après, le problème, c'est que encourager les gens et insister auprès des gens à ce qu'ils fassent ce qui est bon pour eux, ça marche pas toujours. Parfois, ça suscite un petit peu la réaction inverse. Ça demande un certain doigté. Il faut faire attention avec ça. Peut-être, en tout cas, une chose qui peut être utile, me semble-t-il, c'est de proposer d'accompagner la personne en question chez son médecin pour pouvoir peut-être témoigner auprès du médecin de l'importance et de l'ampleur des angoisses si elles sont passées peut-être un peu inaperçues. Les médecins de famille peuvent aussi recevoir justement la famille. C'est l'un des éléments également dont on parlait. Est-ce que il n'est pas difficile justement pour les gens très hypochondriaques de garder confiance dans un médecin en particulier lorsque on a envie, comme on le disait tout à l'heure, eh bien d'aller chercher d'autres diagnostics parce que le médecin que l'on connaît, eh bien on finit par avoir une relation complexe avec lui, d'agacement, d'incrédulité, on perd de la confiance. Comment faire pour contourner ce problème-là, Antoine Pellissolo? Alors donc, si on simplifie, il y a le médecin généraliste, celui qui s'occupe de l'ensemble des maladies, qui lui effectivement normalement est dans une relation de long terme et si possible de confiance. Alors quand il y a un ras-le-bol parce qu'il y a trop de demandes, il faut trouver une autre solution, passer la main, ça c'est toujours possible. Mais après il y a un deuxième aspect qui est le suivi de psychothérapie. Là c'est quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est avec ce binôme-là que normalement on peut fonctionner en ayant une ligne de conduite, parce que vraiment, en tout cas en France, c'est tellement facile de changer de médecin que moi j'en vois plein, des gens qui ont vu 5, 10 spécialistes coup sur coup et qui à chaque fois ont un avis différent. Donc c'est encore moins rassurant, se dire en fait ils sont même pas d'accord entre eux, ce qui prouve que j'ai vraiment quelque chose de grave. Donc voilà, c'est tout un parcours qu'il faut baliser. Et puis je rajoute un autre point qu'on n'a pas beaucoup abordé mais qui est quand même sous-jacent à tout ça dans les angoisses dont on parlait, c'est quand même souvent le rapport à la mort qui est sous-jacent, et le travail il est peut-être aussi de ce côté-là, avec certains patients, de se confronter à la réalité de la mort. Bon, c'est la fameuse phrase de Woody Allen, hein, tant que depuis que l'homme sait qu'il est mortel, il peut pas être complètement décontracté. Ben, évidemment, il y a ça derrière. Et un aspect du travail, c'est aussi de se confronter à cette réalité, il m'est arrivé d'aller accompagner des patients dans les cimetières pour leur montrer que quand on est mort, ça va arriver à tout le monde, mais que par ailleurs, il faut profiter de la vie tant qu'on est vivant. Ça fait partie des démarches aussi d'accompagnement qui peuvent être utiles. Pour conclure, Michael Saraga, on peut guérir de l'hypocondrie, ça peut être un mauvais souvenir, on peut retrouver un rapport plus apaisé avec son corps et avec sa santé? Alors oui, je pense les issues heureuses sont tout à fait possibles. D'une façon générale, je crois que quand on a comme ça un trouble anxieux qui devient très important, un reste d'anxiété, dans la plupart des cas, il en restera toujours un petit peu, mais ça peut être quand même nettement plus vivable, nettement plus circonscrit. Et donc, bien sûr, on peut tout à fait soigner une hypocondrie, oui, bien sûr. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Michael Saraga, merci Antoine Pellissolo. On peut vous lire dans Vous êtes votre meilleur psy, c'est aux éditions Flammarion. La méthode scientifique, c'est Natacha Triou, Noémie Neguet de Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbo, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, bonjour à Amel Boucherka qui rejoint l'équipe pour quelques mois, Olivier Bétard à la réalisation et Jérémy Kaufmann à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'appli Radio France, sur franceculture.fr, à tout jamais et jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.